Au cours de son traditionnel thé du samedi, Henriette Desforges, 35 ans, de la haute bourgeoisie, tient à présenter Mouret, avec qui elle a eu une liaison et qu'elle adore toujours, à son actuel protecteur, 25 ans plus âgé qu'elle, le baron Hartmann, un riche financier. Comme Mouret envisage d'agrandir au bonheur des dames, il a besoin du soutien financier du baron Hartmann. Mais le baron vient lui-même de présenter un projet immobilier à proximité du bonheur des dames.